La société excuse si mon jambosé. Ou qui l'on travaille dur pour jouer d'appréciation. Gagne une série de monde que ça toujours dérange. Yo d'une dix sympathie. Yo d'une fesse à ma paix. Moi faire. Son moyen y a cherché. Y a travail pour y éliminer. Pour travail pour motiver. Mon Dieu, pour garantir conscience. Moi, pas levé chita. Et puis la vie a fait un cadeau. Moi, prends pile déception, pile humiliation. Si la nature choisit pour y qu'à récompenser, ça va ressusciter autant de jalousie. C'est pas seul un domaine musique. Depuis y'a fait violé, y'a t'en guette pas comme ça, y'a ouen à ou. Ou même frère qu'a fait un bail dur, qui t'était tout bien ou, c'est dans ça y'a spécialisé. Jean-Jou m'attendait, en lui la vie bien pas bon. J'en ai à moi décidé, fin à instabilité. Depuis bon, j'ai bon courage. Fanatique, nous nous pas souffrir comme mes amis. Chaque jour attendait, après la rivière pas bon. Je n'ai pas si décidé, puis la instabilité. C'est parce que mon bouquet travaille, et puis soudain ça c'est moi qui passe pour bête moi. Oh, baby, mon Dieu bénit. got this.